on avait dit 5h30, mais on peut dépasser. Oui, parce que je pense que ça serait intéressant alors, d'avoir des réactions et un débat juste sur la dernière intervention, mais aussi de la remettre en perspective avec le reste de la journée. Alors, si comme tu n'as pas cité au début, on te briefera. Donc, Bénédicte. Bénédicte Florin, Université de Tours. J'ai deux petites questions. Est-ce qu'il n'y a pas eu un effet paradoxal ou un effet boomerang pour le gouvernement à partir de ce qui s'est passé cet été et de la catégorisation tellement violente, de la stigmatisation, des expulsions, etc., tellement extrême et tellement violente, que finalement ça a provoqué de l'empathie, pas toujours évidemment, peut-être de l'empathie, parfois même de la compassion, mais en tout cas une visibilisation. Et il vaut mieux être visible, il vaut mieux que les choses soient visibles plutôt qu'invisibles. Et ça renvoie à ce que tu disais sur les petits groupes marginaux éclatés qui subissent peut-être là des choses invisibles dont on ne parle pas. Il y a eu pas mal d'articles, de documentaires, il y a beaucoup de choses. Personne en France, je peux dire, qu'il ne connaît pas, il n'a pas entendu le mot rom. Alors c'est peut-être encore une fois un effet paradoxal. Et puis la deuxième chose, c'est une question. Est-ce que les Roms, qu'on associe souvent à une communauté, on parle de la communauté Rom, est-ce que vraiment il y a une communauté? Et puis, est-ce que s'il y a une communauté, il y a des leaders et des porte-parole qui peuvent les défendre et qui seraient des négociateurs avec les autorités publiques locales, le pouvoir national? Ou est-ce que ce sont des individus ou des familles simplement élargies qui sont regroupées temporairement? Alors d'abord sur la visibilité, peut-être pour commencer même sur les effets finalement non voulus de la communication du gouvernement cet été sur la stigmatisation des Roms. Alors c'est assez rigolo parce qu'effectivement il y a eu des effets qui n'étaient forcément pas prévus, il y en a toujours. Mais il y a des municipalités qui jusqu'à présent étaient plutôt... expulsés d'une certaine manière, et là, ont toléré, sont entrés finalement en résistance. Alors, il n'y en a pas beaucoup, mais en tout cas, il y en a. Et moi, j'ai cru comprendre qu'à Montpellier, c'était le cas, où finalement, là, d'une certaine manière, la municipalité avait levé le pied. Il faut croiser l'information, il faudrait voir. Et ça, c'est rigolo, la façon dont finalement, c'est pas étonnant quand on connaît Montpellier, la culture politique fraîche, etc., ce contre-pied par rapport à une décision du pouvoir central. Mais bon, voilà, il y a quelque chose d'assez rigolo. Mais une forme de résistance. Donc, on n'expulsait pas, mais enfin bon. Là, du coup, on va être très tolérant. Et on va commencer à construire, on va commencer à bricoler quelque chose qui est de l'ordre de l'hébergement et de l'insertion. Donc, il y a un contre-pied. Après, il y a des effets bizarres. C'est-à-dire que cette hyper-visibilisation a gêné des élus. Alors j'ai entendu ça à propos de Lyon, ça c'est assez rigolo, où le maire aurait dit, c'est malin, mais avec cette hyper visibilité, maintenant on peut plus faire nos expulsions locales tranquilles d'une certaine manière. Voilà, on sait plus comment faire parce que du coup on est sous le projecteur des médias, etc. Donc comment on fait pour gérer ça? Et puis, voilà, donc des effets indirects. Sur la question de la visibilité, je crois qu'elle est délicate, effectivement. Je pense qu'à un moment, la visibilité, c'est un gage de légitimité. C'est ce qui va donner une place dans le paysage local. Ça a été, d'une certaine manière, la stratégie aussi à Tours d'amener, finalement, les pouvoirs publics à avoir un mot, et d'abord la municipalité, à dire quelque chose sur les gens qui étaient là. Et se dire quelque chose, ensuite, c'est une ressource qui peut entrer, justement, dans une entreprise de légitimation pour réclamer quelque chose qui est de l'ordre du droit à être là pour les personnes en question. Et finalement, quand on construit même une campagne, les Roms de Tours et l'accès à l'emploi, il y a d'un côté de l'hypervisibilisation qui, moi, me met très mal à l'aise, mais d'une certaine manière, c'est aussi quelque chose qui est de l'ordre de la reconnaissance d'un droit, même minimal, à être là. Voilà, on est dans un début de... d'action politique ou de visibilité politique. Maintenant, il y a des familles qui construisent toute leur stratégie sur l'invisibilité. À Tours, il y a aussi des personnes qui sont Roms d'origine d'ex-Yougoslavie qui ne veulent surtout pas entrer dans les dispositifs. Je crois que, en tout cas, dans toute cette idée-là, c'est que les politiques publiques, comme les mesures associatives, c'est quoi? C'est juste des ressources. Je parle du point de vue des migrants, dont les migrants vont se saisir ou pas pour essayer de débrouiller leur situation. Merci. Ah oui, la communauté, pardon. Excusez-moi. Sur la communauté, bah, je crois que ce qui compte, c'est de souligner la diversité, effectivement, des groupes roms. Hein, et que ce qui fait commun, hein, c'est d'abord les familles apparentées. À Tours, ça va être quelques familles, pas nombreuses, qui constituent l'essentiel de la communauté. Alors, ça veut dire quoi, la communauté ? La communauté, c'est quelque chose qui va être actualisé lors d'événements, le mariage, le décès. Par exemple, 40 jours après le décès, il y a eu plusieurs cérémonies, il n'y a pas très longtemps, on actualise la communauté, c'est-à-dire on met en place un rituel, les gens viennent, et puis doivent respecter un certain nombre de règles. Voilà, donc on actualise la communauté à ce moment-là. Mais la communauté, finalement, elle ne concerne pas d'autres Roms d'une autre communauté, enfin d'autres groupes. C'est-à-dire que voilà, c'est loin, c'est le tuilage, si tu veux. Donc plus on s'écarte des communes, des familles apparentées, moins la communauté a de sens. Et on passe à autre chose, d'une certaine manière. Hein. Alors après, la question, elle est fondamentale, c'est est-ce qu'il existe un peuple Rom ? Eh bien, j'ai envie de dire que ça, c'est une position essentialiste. Est-ce qu'il existe un peuple français ou est-ce que le peuple français a toujours existé ? Bon, je dirais que c'est des constructions politiques, des constructions historiques, voilà, en tout cas, et que le peuple Rom est aussi une construction historique qui est en train de se réaliser d'une certaine manière au travers, justement, principalement au travers des associations politiques Rom. Hein, mais la question que tu poses, c'est de savoir si ces associations sont porte-parole des gens du bidonville. Oui, il y en a qui se présentent. Par exemple, à Paris, il y a une association qui s'appelle La Voix des Roms. Mais après, la question qui se pose, c'est celle du lien avec les terrains. Hein, en tout cas, je dirais que sa légitimité reste à construire. En tout cas, que les gens du terrain, des terrains, se reconnaissent pas forcément dans les associations. C'est vrai chez les autres et donc aussi chez les Roms. Par rapport aux Roms qui sont arrivés à Tours, il me semble que ce qui est important par rapport à la communauté, c'est de voir que c'est une famille qui est arrivée en 95-98, c'est la même famille. On pourrait dire qu'il y a eu des vagues d'immigration à d'autres pays, ouais. D'autres qui venaient de Mostaganem et qui sont tous de Mostaganem. J'étais encore en Yougoslavie, je cherchais. Ben voilà, non mais voilà, on fait le lien avec les Roms, des vagues d'immigration. Ouais. Donc pour l'instant, on est sur une famille qui s'est élargie. Hein, donc est-ce que c'est une communauté ou pas, je ne sais pas. Mais la question que je voulais vous poser, c'est par rapport à votre conclusion. Moi, je vous ai suivi tout le temps de votre exposé. Et puis, vous avez conclu en disant, on sait faire, on peut faire. Alors, en tant que travailleur social, bah, nous, on se questionne toujours sur comment on peut faire, parce qu'à l'heure actuelle, on est dans des tels obstacles administratifs, et on est à un tournant en plus législatif, puisque c'est en 2012 qu'ils vont pouvoir être comme les autres Européens, qu'il y a quand même un enjeu important qui est de catégoriser encore plus et de stigmatiser encore plus ces étrangers-là, et de les assigner encore plus à repartir dans leur pays. Ah oui. Donc voilà, c'est la question que je me pose. On est face à une population qui ne rentre même plus dans les dispositifs. Hein, ils ont quasiment plus les Roms de Bulgarie, de Roumanie, en tous les cas, n'accèdent pas au dispositif pour plein de raisons, parce qu'ils ne veulent pas y aller, parce qu'ils n'ont pas de place, hein. Mais aussi parce qu'on a un tournant au niveau législatif qui fait que ça va être c'est compliqué. Il vaut mieux les expulser maintenant, avant la date fatidique de 2012. Point d'interrogation. En tous les cas, il y a un enjeu fort en ce moment. Et nous, les dispositifs, on voit bien, les travailleurs sociaux se retrouvent assignés aussi à une place où on n'a pas de solution. Non, mais je crois que vous le dites bien. Finalement, la question, c'est moins celle de l'insertion ou du savoir inséré que des obstacles, que du savoir régler les obstacles administratifs. Voilà. Et moi, je veux dire, même, ouais, voilà, avant d'arriver. Et c'est d'ailleurs intéressant de voir que même dans les actions qui sont pilotées par l'État, hein, les travailleurs sociaux se trouvent d'abord à régler, sont face à des sollicitations fréquentes dans des domaines divers et variés, et se trouvent d'abord à régler des affaires de paperasserie. Et c'est vraiment après qu'on peut commencer à s'occuper de l'insertion professionnelle. Juste pour aller un tout petit peu plus loin, ça va même plus loin. Alors, ouais. Pénalisé aussi par rapport aux travailleurs sociaux, c'est-à-dire qu'il y a même une catégorie de ces personnes-là qui, quand ils sont en situation irrégulière, on se retrouve dans des situations difficiles en tant que travailleurs sociaux quand on est dans une situation d'accompagnement. parce que des fois, on est en situation illégale par rapport à la loi. Et c'est tout le débat de l'enjeu du travailleur social ou du professionnel et du citoyen. Oui, tout à fait. Ouais. Et de plus en plus, alors moi, je fais cette analyse-là parce que les demandeurs d'asile en 91, on a créé un dispositif et de moins en moins, on peut les accueillir. Et ceux-là, ils sont encore plus en marge. Et logique, la plupart du temps, à part quand on fait du travail de rue ou à part quand on est dans l'urgence, on ne les rencontre même plus. Et si on travaille en termes d'accompagnement, on nous rappelle qu'on pourrait nous supprimer nos financements. Juste pour pointer ça. Donc, c'est peut-être pas si simple que ça, on peut faire et on sait faire. Non, mais c'est une façon de passer à ce qui me semblait l'essentiel. C'est-à-dire que la question, elle est moins du côté de la spécificité, si vous voyez ce que je veux dire, pour tenter qu'elle existe, hein, et donc des difficultés culturelles ou je ne sais quoi, hein, que du côté de la société dite d'accueil et de ses complexités, pour faire très vite. Et je crois qu'il y a aussi, dans le cadre des politiques sociales, mais c'est pas, moi je suis pas le mieux parlé pour en parler, tout un travail de catégorisation en cours, de fabrication des publics, qui m'amène à me poser la question du droit commun. Puisqu'on est sans cesse dans la production, finalement, de règlements, de normes, finalement, particulières, d'identification de publics particuliers. Et finalement, je ne sais plus ce que c'est le droit commun. Je me demande ce que ça veut dire dans ces cas-là. Est-ce qu'on ne gouverne pas par l'exception d'une manière... C'est quelque chose qu'avait évoqué Claire ce matin, donc peut-être pour dire dessus. J'ai une question à vous poser après, mais d'abord, je me demande si on n'a pas intérêt à remettre la question des Roms ou des Ménas, enfin, disons, deux groupes qui cumulent des handicaps objectifs et subjectifs, c'est-à-dire qui sont pas nationaux, donc déjà ça pose un problème, qui sont communautaires, mais qui ne sont pas n'importe quel communautaire, c'est-à-dire que, qui sont, comme vous l'avez dit, sous des dispositions très particulières, puisqu'il suffit qu'il y ait trouble à l'ordre public pour faire une immédiatement reconduite, enfin, QTF, reconduite à la frontière, ou de montrer qu'ils n'ont pas assez de ressources pour subsister sans être à la charge de l'État. Donc c'est vraiment, alors, ils ont ce handicap-là, plus celui-là, plus, comme vous l'avez montré, bon, ils se regroupent dans de l'habitat de fortune, plus ou moins bidonvillisé, etc., qui les rend visibles et qui est aussi une difficulté supplémentaire pour l'action locale, disons. Bon. Et puis, ils n'ont pas forcément le droit de travailler, en tout cas, dans certains secteurs. Il y a des listes d'actifs de secteurs professionnels auxquels ils ne peuvent pas accéder, ce qui est quand même extraordinaire. Donc voilà. Alors, par rapport, disons, à des étrangers qui seraient venus au temps des Trente Glorieuses, pour qui on a construit de l'habitat spécifique, parce que les foyers de travailleurs migrants, c'était quand même aussi hors droit commun. Ça c'était pas du tout de l'habitat commun. Ouais. C'est un des rares pays où on a fait de l'habitat spécifique pour les étrangers. Bon, alors, est-ce que c'est le même cas de figure? Pas du tout, c'est pas le même cas de figure, parce qu'en plus, eux, ils ne sont pas de la main-d'œuvre. Et au contraire, on les empêche de travailler parce qu'ils font concurrence, ils feraient concurrence à la manœuvre nationale. Alors, c'est particulièrement compliqué. Moi, j'avais envie de, disons, pour peut-être compléter un peu ce que vous avez dit sur les pouvoirs publics, la régulation politique de cette affaire. Si je suis un élu, bon, l'État, c'est une chose. L'État, en ce moment, le gouvernement prend des mesures répressives, à outrance, c'est clair, net et précis. Donc, les préfets, qui sont des agents de l'État, sont là pour expulser. Bon, là, ça ne fait pas un pli. Par contre, les collectivités territoriales, elles ont quand même une certaine marge de manœuvre. Mais demain, moi, je suis dans une commune où justement, la collectivité a pris une position, je dirais, relativement au pôle plus de l'hospitalité. Oui. Hein. Donc, et avec des conséquences importantes. Donc, ça veut dire que la municipalité, elle peut quand même faire des choix. Donc, elle fait des choix, mais si elle fait le choix de dire, bon... voilà, il y a des familles roms, 300, 400, 500 personnes sur le territoire municipal, on va les traiter comme tout le monde. Ce qui est déjà, si on les traite comme tout le monde, ça veut dire quoi? Par rapport à notre question de départ, ça veut dire qu'ils se prennent plein dans la liste d'attente des demandeurs de logement. Ils sont dans le droit commun, là. Et le maire et ses adjoints sont envahis, comme tout à l'heure, de pétitions en disant « Mais enfin, le logement social, c'est d'abord pour les préférences locales, préférences nationales, etc. » Alors, c'est compliqué. Enfin, je veux dire, c'est objectivement compliqué à gérer. Je cherche pas tout à fait. Si on prend position, c'est trop vite pour après comprendre. Donc, voilà, dans la commune où je suis, le maire a décidé, on fait une maîtrise d'œuvre urbaine et sociale. Ça veut dire, mais c'est des dispositifs qui prennent 10 ans. Il faut demander de l'argent à l'État, c'est des co-montages financiers spécifiques, encore une fois, pour des populations en difficulté. Pas forcément. La mouche, là, c'est pour les hommes. Bon, on loge 300 familles. Alors, on loge 300 familles dans des Algéco, dans des conditions pas forcément très bonnes. Après, ce que vous disiez de manière peut-être un petit peu, comment dire, dénonciatrice, un peu trop fortement, parce que c'est vrai que la commune a fait une maîtrise d'œuvre urbaine et sociale. Elle a relogé en Algéco 300 personnes. Elle s'est battue pour que les voisins ne fassent pas trop de problèmes. Il y a 200 nouvelles personnes qui arrivent parce que c'est comme ça que ça marche, les filières migratoires. Oui, sauf que là, les familles, elles arrivent des autres bidonvilles qui ont été expulsées. En plus. Hein, pas en plus, d'abord. En plus. À Montreuil. L'État ne facilite pas les choses et aggrave les choses, évidemment. Ou les voisins. Créant des appels d'air dont les municipalités hospitalières, accueillantes, entre guillemets, sont doublement victimes. D'accord ? Parce que, justement, il y a ceux d'à côté à reloger. Bon, qu'est-ce qu'elles font ? C'est-à-dire, c'est-à-dire que là, on arrive à ce que vous disiez à la fin, c'est-à-dire que on peut pas il n'y a plus de priorité possible, il n'y a plus d'ordre possible. Ça veut dire qu'on est obligé si on met les Roms prioritaires dans les listes d'attente, c'est pas possible non plus. Donc voilà, c'est une situation qui est sous contrainte de mille manières. C'est même pas la peine d'évoquer les habitudes de vie, etc., qui sont... je voulais terminer par là, parce que dans le cas que je connais, il se trouve qu'il y a eu quelques familles relogées au titre de la question de la santé. Et il y a des... Parce que les juristes savent utiliser ça, et Médecins du Monde en particulier. Quand il y a, et c'était le cas, des pathologies graves dans la famille, en particulier chez les enfants, il y a une obligation de logement. Ils ont été logés, mais ça ne pose aucun problème. C'est-à-dire que ça redevient, après, du droit commun. C'est-à-dire qu'ils soient Roms, qu'ils soient Chinois, ou qu'ils soient... ils ont accédé au droit commun via dispositif dérogatoire de la santé. Donc voilà, moi je trouve tout ça, ça fait réfléchir effectivement au droit commun. Et là, c'est vrai que quand vous disiez ils sont dans des conditions spécifiques qui ne, par exemple ces villages d'insertion, on vous les décrivait comme quelque chose d'absolument policier, épouvantable. Non. Encore une fois, moi, j'ai pas de jugement moral en plus là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment ça fonctionne. C'est le droit de séjour, c'est marqué dans le règlement. Les visites sont interdites. C'est comme les foyers. Il y en a où le gestionnaire va être vraiment un garde-chiourme, hein, et puis d'autres où ça va bien se passer. Vous l'avez dit aussi, d'ailleurs. Ben voilà. Donc voilà. Vous voyez que c'est pas si épouvantable. C'est quand même très... c'est vrai que c'est des situations qui sont complètement... hors droit commun. On habite comme ça, mais d'une manière qui réfère plus au droit commun. C'est même pas des résidents de foyer. Voilà. Donc ma question, c'était juste, qu'est-ce que vous avez fait dans les villages d'insertion ? Est-ce que vous avez enquêté dans les villages d'insertion ? Alors moi, dans les villages d'insertion, j'y suis passé, mais j'ai pas fait d'enquête auprès des résidents, parce qu'il faudrait beaucoup de temps. En revanche, je me suis intéressé à la construction des politiques publiques. Donc, en gros, j'ai fait une trentaine d'entretiens libres avec justement les acteurs institutionnels, associatifs, etc., qui avaient participé de près ou de loin à l'histoire de ces villages, c'est-à-dire qu'ils y étaient opposés. Eh bien, à Saint-Ouen, beaucoup à Saint-Ouen, à Saint-Denis, à Aubervilliers, un petit peu à Bagnolet. À Montreuil, j'ai rencontré effectivement quelques personnes de la municipalité, le chef Mousse, enfin le responsable Mousse, voilà, et puis les gens de Rue et Cité. Mais avant que la LG, bon, puisqu'on est finalement très sur Montreuil, que la LG n'intervienne, ou ne soit, sélectionnée pour gérer un ou deux villages d'insertion. Parce que ce qui est intéressant à Montreuil, c'est qu'il y a deux philosophies, d'une certaine manière. Il y a d'abord une politique d'ouverture qu'on a rendue responsable de cette affaire d'appel d'air, mais qui n'est pas évidente, justement, parce qu'on a lu la même chose à Nantes. C'est-à-dire qu'à Nantes, à partir du moment où les familles ont été... où on affichait, entre guillemets... les Roms en Italie, il y a eu affluence en France. Il y a eu un mouvement. Et on a vu arriver pas mal de familles d'Italie sur Nantes. Hein. Il y a eu une campagne aussi d'expulsion de région parisienne et des gens donc, sont venus sur Nantes. Et on a présenté ça comme un appel d'air. Et il semblerait, d'après moi, les gens que j'ai pu rencontrer à Montreuil, que sur Montreuil, cet appel d'air aussi était largement lié... Eh bien, peut-être à l'accueil ou à la politique, à l'hospitalité relative de la mairie de Montreuil, mais aussi à la fermeture, donc à l'inhospitalité des autres communes de la région parisienne. Ça, c'est primordial. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'appel d'air, c'est-à-dire on n'est pas dans la logique migratoire que vous évoquiez, qui existe, mais qui est moindre. Hein, dans ce cas de figure. Et même, finalement, ces gros bidonvilles que l'on a vu se former, par exemple, à Saint-Ouen, n'étaient pas le résultat de logique migratoire du cousin qui appelle le cousin, mais aussi de la fermeture des bidonvilles. C'était finalement des mosaïques, hein, de gens qui se sont retrouvés là, contraints et forcés, d'une certaine manière, et qui ont en plus dû, à ce moment-là, sont rentrés dans un système de racketage. Parce qu'on sait que sur les grands terrains, il y a des familles, il y a des chefs, d'une certaine manière, je vais très vite, hein, qui vont justement monnayer le droit à habiter là. Hein, et c'est hyper cher. Hein. Et ce qu'on n'a pas sur des petits terrains ou qu'on voit moins. En tout cas, moi, je ne sais pas, je ne veux pas non plus... voilà, mais il ne me semble pas avoir remarqué ça sur les terrains que moi, je connaissais. Par rapport au droit commun, s'il y avait assez de logements, il n'y aurait pas de problème. Voilà. Ah, ça... Et ça, une politique... Oui, et encore que je crois que la politique répressive, elle a aussi d'autres intérêts que ça. Ouais. Par rapport à l'habitat des Roms, moi, ce qui me questionne aussi, c'est qu'on les associe avec les gens du voyage. Et quand on échange avec eux, ils disent que ce n'est pas leur culture. Ouais. Donc au niveau de l'habitat, ça veut dire qu'on les sédentarise. Mais c'est quoi l'habitat des gens du voyage? C'est les aires d'accueil, justement. Oui, c'est ça, je pense aux aires d'accueil. C'est quoi les gens du voyage? Ah, non, c'est quoi? Souvent? Non, mais il faut être très clair. Alors, les gens du voyage sont une catégorie administrative, hein, inventée, à la fin des années 60, qui a pris le relais d'autres catégories nomades. Hein, bon, hein, voilà. En tout cas, c'est une catégorie administrative qui fait que vous avez un livret. Hein. Le livret, c'est un truc qui est gros comme ça, avec en cuir. Le seul point que je veux nommer par rapport à l'habitat... Mais il est fondamental, cette précision. C'est que ce sont non pas parfois des gens, des Français, mais toujours des Français. Il n'y a pas de gens du voyage pas français. Justement, moi, les Roms que j'ai pu rencontrer, ce qui les perturbe quand ils arrivent, c'est qu'on les imagine comme étant des gens qui bougent. Et eux, ils expliquent que ce n'est pas leur pratique dans leur pays. Ouais. Et donc, pas trop, quoi. Enfin, il y a des gens qui bougent. Ou alors parce qu'ils ont été dans une situation de... Ça pose la question de l'habitat quand même. C'est-à-dire qu'on les imagine dans une sorte d'habitat. Mais on n'a pas à les imaginer. Enfin, c'est ça. Enfin, C'est rigolo. Et d'ailleurs, il y a plein de gens du voyage qui ne voyagent pas, et de moins en moins, parce que c'est de plus en plus difficile. D'ailleurs. Moi, je voudrais sortir des Roms, parce que je ne suis pas persuadée que ça soit une bonne entrée de catégoriser de la même manière que moi. En Colombie, je ne pense pas que de prétendre identifier des déplacés permette de réfléchir sur la question des déplacés. Je voudrais revenir sur la première partie de l'intervention, en fait, où tu disais qu'on commençait à travailler en Afrique et que c'est ça qui t'a servi à comprendre les dimensions politiques que tu as après étudiées plus sur des terrains tourangeaux ou parisiens. Moi, je pense qu'une grande différence quand même dans les pays, alors moi, je parle plutôt de l'expérience latino-américaine, pas Argentine, plutôt Colombie. Une grande différence dans ces villes, c'est que la pauvreté, elle est majoritaire. On ne se pose pas la question de l'invisibilité, parce qu'on ne peut pas la cacher. Donc la précarité, elle est complètement majoritaire. Et je pense que c'est, quand tu disais, on parle de la précarité, on parle des pauvres, on parle des riches, je crois qu'il faut complètement parler et se poser la question, à qui profite l'habité précaire? Alors tu as dit... C'est les riches, mais c'est aussi l'État, parce que l'État, dans un certain nombre de pays, les pouvoirs publics, dans un certain nombre de pays en développement, ils résolvent la question du logement des pauvres à travers la construction illégale. Je veux dire, c'est une politique en tant que telle. Et je crois qu'il faut le dire, c'est pas une marge, c'est une politique en tant que telle. Tout à fait. Et à Bogota, il y a à peu près la moitié des logements, ça fait 50 ans, et c'est aujourd'hui c'est pareil, qui sont produits illégalement. Et c'est un système qui est complètement le produit d'une politique, et au bout de 2 ans ou 3 ans, on les légalise. Je veux dire, et c'est le système le plus économique pour l'État de résoudre, entre guillemets, la question du logement des pauvres. Donc je crois qu'il fallait plus loin de ce que tu Ça peut être une politique en soi. Et quand je dis qu'ils profitent, ce n'est pas qu'un problème d'avoir des quartiers où il n'y a que des riches. Ce n'est pas qu'une question spatiale. C'est ça que je voulais dire. Ouais. Donc, j'ai plus loin que ce que tu as dit. Et je pense que ça peut faire l'objet d'une politique tout à fait. Telle. Et là où c'est intéressant d'avoir une expérience sur les villes du Sud et de regarder à travers ça celle du Nord, c'est peut-être se poser du coup la même question ici. Et le voir comme ça. Et ce n'est pas un résidu, ce n'est pas une interstice. Ah, non. Peut être aussi complètement une production complètement maîtrisée de la précarité et de la vie. Et c'est pour ça aussi qu'on résout le rapport. Ben oui, mais c'est une grosse question. Mais ça, moi, je crois que... Enfin, moi, c'est une des questions qui se pose à moi en ce moment en tant que chercheur, c'est celle de la précarisation comme mode de gouvernement. Et que, finalement, comme ressource pour la gouvernementalité. Mais, bon, on peut... Moi, c'est une certitude. Enfin, non, c'est évident, je veux dire. Oui, mais après, ce qui est intéressant, c'est de faire... C'est de faire le lien avec les observations de terrain, d'une certaine manière. L'observation de terrain, pour moi, c'est justement la pénalisation d'habitat précaire, hein, qui se construit en deux temps, en 2003, avec donc l'inscription ou la rédaction, je ne suis pas un juriste, donc d'un article, ou qui est inscrit dans le code pénal, justement, cette question de l'habitat précaire, hein, qui l'assimile à un acte illicite, hein, qui est repris dans les circulaires, cet été, et qui refait partie du projet LOPSI, hein, de loi LOPSI. Mais moi, c'était une de mes questions, c'est quoi cette loi LOPSI, là ? Ben, je découvre, là, alors, c'est sur la sécurité intérieure, donc. En gros, j'ai entendu dire, ça va devenir presque illégal d'être mal logé, c'est un mensonge. Oui, c'est ça. Non. Ouais. Ça va pénaliser. Ouais. Ah, mais c'est primordial, ça. Ça, faut jouer. Mais je crois qu'il faut la relier avec la politique migratoire. Enfin, c'est l'été. Ça... C'est pas que ça, justement. Je crois que cet été, c'est en lien avec la politique migratoire. J'essaie de vous montrer. Il y a donc une circulaire, hein, en absence de droit, enfin, pas de droit, mais de textes législatifs et réglementaires. J'essaie d'être au plus précis. Eh bien, on gouverne peut-être par circulaire. Donc, une circulaire du 24 juin 2010, donc avant les discours de, comment il s'appelle, du président Sarkozy, fin juillet, sur la lutte contre les campements illicites. Ça, c'est fondamental. Lutte contre les campements illicites. Hein, donc, la question, c'est de définir ce que c'est qu'illicite. Mais en même temps, illicite, on est dans la pénalisation. Enfin, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, voilà. Alors, ce qui est intéressant, ça fonctionne. C'est quoi une circulaire ? C'est un texte qui s'adresse au préfet et qui fonctionne comme un mode d'emploi. Voilà ce qu'il faut faire, qui fixe les objectifs, qui fixe le contenu, communication. Hein. Ouais. Bon, après, moi, je suis un peu... sur le plan juridique, je veux pas... C'est pas mon... Voilà, c'est donc l'application. Voilà, et on demande d'exploiter toutes les possibilités offertes par le code pénal, et en particulier l'article 322.4.1 de la loi du 18 mars 2003, c'est sur la sécurité intérieure, qui érige en délit toute installation illégale sur un terrain. Ça, c'est primordial. Et c'est-à-dire que celui qui va construire sur un terrain de façon illégale et peut être puni de 6 mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende. Alors, à quoi ça sert ? Est-ce que vraiment nos gouvernants sont des... Bon, non, moi, j'en sais rien. Ce qui m'intéresse, c'est la façon dont, finalement, l'auteur de la circulaire explique pourquoi c'est intéressant. C'est-à-dire, pourquoi l'incrimination pénale présente des avantages ? C'est clair, c'est pas moi qui interprète. Un intérêt dissuasif par la perspective de voir sanctionner ce type de comportement par des peines d'amende et d'emprisonnement. En effet, c'est le gouvernement par la peur. Mais, et ensuite, je rejoins ce que tu disais tout à l'heure. Un intérêt administratif. En vue de la saisine de l'autorité judiciaire, il est loisible de procéder au contrôle d'identité des habitants. Donc effectivement, on y va sur ton terrain. Lorsqu'il s'agit de personnes en situation irrégulière sur notre territoire, ces contrôles d'identité peuvent contribuer à renforcer la sécurité juridique des mesures d'éloignement, notamment dans le cas où celles-ci sont subordonnées à une condition de durée de présence en France. C'est-à-dire que quand vous ne réussissez pas à évacuer un terrain, parce que ce n'est pas si évident, surtout qu'il y a vous l'avez dit, il y a des avocats, il y a des assos qui s'y connaissent sur le plan juridique, donc il y a des contre-pouvoirs juridiques, bon, ce n'est pas évident. Donc, on recourt à une autre procédure, on vise les gens et on essaye de les faire dégager, voilà. Et encore une fois, moi, ce n'est pas un jugement moral. Moi, je ne suis pas dans le jugement moral. J'essaye de voir juste de décortiquer et de voir comment ça fonctionne. Alors, ce qu'apporte l'OPSI, le projet de loi, si j'ai bien compris, c'est que Donc le projet de loi en cours, je pense que vous en parleriez mieux que moi, il crée une procédure d'exception expéditive et arbitraire à l'initiative du préfet et en l'absence du juge, c'est-à-dire qu'on est dans une procédure administrative, pour expulser les habitants installés de manière illicite. Cet article, alors ça, il faudrait que je vérifie, parce que c'est un peu de la littérature associative, ce qui n'était pas le cas du document que je viens de lire, hein, on reconnaît. Alors, il prévoit la destruction des biens sans procédure contradictoire, bon, on simplifie, ainsi qu'une amende de 3 750 €. On rappelle la loi que j'ai dit tout à l'heure de 2003, pour les maires ou les propriétaires qui s'opposeraient à ces procédures arbitraires. À vérifier. Croisons l'information. Hein. On va, moi-même, je vais aller voir. Mais je n'y peux rien. Je vais voir ça en début de semaine prochaine. Je n'ai pas eu le temps, là. Voilà. Et donc ça, c'est hyper intéressant. Ça. C'est hyper intéressant parce que, d'une certaine manière, c'est une façon de gouverner par la peur. Donc, effectivement, je te suis complètement. Et en même temps, peut-être, une façon de mettre de l'ordre dans les pouvoirs locaux, d'une certaine manière. C'est-à-dire que les marges de manœuvre que vous évoquiez tout à l'heure, elles sont moins grandes. C'est-à-dire que le maire, finalement, qui laisse, il risque peut-être de c'est une petite amende. Enfin, j'en sais rien, mais il y a quelque chose, là. Voilà. Non, mais c'est extraordinaire. Oui, madame. Oui, moi, je voulais revenir aussi sur l'espace public, comme tu disais tout à l'heure. Plus on va dans la ville, moins la population peut investir l'espace public. L'espace public devient privé. C'est fermé, c'est contrôlé, c'est vidéosurveillance. On n'a plus droit. Camping sauvage, on n'a plus droit. Voilà. Donc il va falloir réfléchir quand même, peut-être, parce que le peuple, avant, le peuple vivait dehors. Le peuple. Qu'est-ce qu'on en sait, hein? Quand même. Mais je crois qu'attention aussi là aux visions nostalgiques, finalement. C'était peut-être pas terrible. Enfin, je dis ça juste. Mais la privatisation de l'espace public, c'est. Les gens n'auraient pas le droit de vivre en caravane. Oui, mais là, je pense qu'on utilise, on crée un délit dans le matière de logement pour effectivement faire du contrôle dans d'autres domaines. Je dis aussi ça. Ouais. C'est une instrumentalisation de la question du logement. Précarité de l'emploi. Mais bien sûr, mais parce que ça existait avant. Claudia. Non, j'étais en train de. J'ai pensé en réalité au cas de l'Argentine, parce que tu as parlé de Colombie. Et moi, la seule chose qui me gêne, je suis d'accord. Que ce sont des politiques, mais ce qu'on oublie, c'est l'autre côté, parce qu'en Argentine aussi, il y a eu, et depuis 1945, toutes les années de l'exode et des migrations rurales qui se sont installées au bord des villes, et qui, en général, la population occupait ce qu'on appelle les terrains fiscaux, c'est-à-dire en réalité, c'est des terrains qui appartiennent à l'État. Et bien que c'était une politique non dite, en même temps, les gens qui s'installaient avaient cette présence irréductible et devenaient des acteurs politiques. Ouais, c'était pas que l'État donnait. Il y avait toute une lutte pour finalement s'approprier de ces territoires et de ces terrains, pour finalement, c'est vrai, devenir un quartier. Hein. Toute la lutte, c'est on veut devenir un quartier. Non, je veux dire parce qu'on ne voit pas quelle est l'autre force. Oui, alors je crois que sur la question de la lutte, mais là, je change de terrain, je suis à Dakar et à Tunis, on est plutôt dans des logiques qui sont de l'ordre de l'entrisme, d'une certaine manière. C'est-à-dire que, d'abord, la lutte à Tunis, il faut y aller. Hein. Mais effectivement, on va mettre en place un certain nombre de stratégies, les habitants, qui sont souvent des stratégies, justement, de mobilisation au sein du parti, pour justement, on est dans des logiques de clientélisme, hein, ça c'est très net aussi en Amérique, je pense au Brésil par exemple, dans les politiques d'équipement des favelas, hein, de clientélisme par exemple à Dakar, on va mettre des acteurs politiques les uns en face de l'autre et on va monnayer finalement le soutien politique. Hein. En tout cas, un certain nombre de politiques qui visent peut-être à voir reconnaître le quartier et qui. Vise finalement à intégrer à une certaine forme de reconnaissance par les pouvoirs sociaux. Mais ça met à Dakar et Tunis, on n'est pas dans le cadre de la lutte, c'est ça que je veux dire, mais plutôt dans le rapprochement finalement des pouvoirs publics, dans la mise en place d'un lien de type clientéliste, c'est-à-dire je t'offre ma voix et toi tu reconnais mon terrain, tu me protèges d'une certaine manière, hein, et pour moi c'est exactement le contraire de la lutte. Soit c'est une forme de soumission, mais non, je parle que de ce que j'ai pu voir, hein. Soit c'est une forme d'entrisme. Alors là, c'est une ruse, finalement. Mais ça ne se joue pas dans les mêmes termes en tous les cas, en Afrique de l'Ouest et en Amérique latine. C'est pour ça que je connais. Donc ça fait trois fois des situations différentes. Je pense que Pascal il voudrait conclure cette journée en une question. Alors, la dernière. Il y a un sujet, moi, que très délicat avec les mots. Est-ce que les personnes qui viennent, on appelle les Roms, alors je ne sais pas, il y a plein de connaître le terme, c'était Romain Michel qui disait dans les années 50, 60. Oui, c'est hyper intéressant. Un phénomène migratoire de ces pays. Et c'est des gens qui ont, depuis très longtemps, adopté ça comme mode de vie. Je ne crois pas qu'ils cherchent. Tu sais, nous, on pense tout de suite intégration quand on les voit. Mais est-ce que même c'est ce qu'ils cherchent? Ce n'est pas forcément vrai, ça, je ne pense pas. Et puis, ils n'adoptent pas du tout le même mode de vie que nous, on a pour eux. Alors, franchement, je crois, sans non plus dire qu'ils veulent être des voyageurs. Donc des gens, voyageurs, qui veulent vivre pendant un mois ici, 15 jours, et qu'ils en ont marre, ils se barrent par exemple, ils vont ailleurs. Ils vivent comme ça, non mais c'est vrai, comme ils le sentent, à l'endroit où ils sont, s'ils s'y sentent bien, ça leur prend la tête, ils s'en vont 3 ans ici, 15 jours là. Et je ne crois pas que c'est une façon de les envisager en s'imaginant tout de suite intégrer. Je penserais plutôt peut-être assimiler, alors sans sens aussi c'est un mot, qu'est-ce que ça veut dire hein. Ils ont réussi dans les pays nordiques des réussites justement au vu de migration des populations venant des pays. Sur Rome, c'est pareil, moi aussi, là, c'est un terme. Je ne vois pas trop pourquoi appeler Rome. Mais tu vois ce que je veux dire? Très bien. Pas très bien. Non, si, je vois très bien. Mais ce que, ouais, très bien. Mais ce qu'il y a, c'est que, mais je crois que Claire en parlera aussi, puisqu'elle a travaillé avec les Roms de Montreuil, mais pas ceux-là, hein, ceux d'avant. Bon, mais c'est encore une autre. Et voilà. Et bon, mais ce que je voulais dire, c'est que les Roms roumains, bulgares ou yougoslaves, c'est pas des Roms à Nichelle. C'est intéressant, c'est l'association. C'est-à-dire que Rome, en gros, pour faire très vite, je suis pas à Montreuil, j'enlève les Roms de Montreuil, hein. Mais non, justement, c'est-à-dire que, en fait, jusqu'aux années 90, à part pour quelques personnes, Rome, ça ne veut rien dire. Ouais, et on va se demander ce que c'est. Rome, on va dire, ah, tu veux dire les Roumains? Ah, des Roumains! Ah oui, d'accord. Alors les Roumains, c'est des. Bon, voilà. Mais, ou alors Rome, ah, tu veux dire des Romains Michel? C'est-à-dire des Manouches? Non! Non! Tziganes avec des violons? Et Tziganes, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, les Roms dont tu parles, les Roms dont nous parlons, ne sont pas les Romains Michel dont toi tu parles maintenant. Voilà. Ah, mais je croyais que c'est ça. Non. Non. 10 générations. 500 ans. En Roumanie, 500 ans. Bon, après, la question de la sédentarisation, elle est délicate. On va peut-être conclure là-dessus, parce qu'il va falloir quand même qu'on libère cette salle, même s'il y aurait beaucoup de questions. Moi, je voudrais terminer juste en disant une chose, c'est que j'étais très content. Claire cite ce matin cette partie du texte de Engels qui est éminemment d'actualité et que si cette histoire de précarité n'est pas nouvelle, je pense qu'il est aussi important de souligner qu'elle n'est pas constante dans le temps et qu'on est dans un contexte qui effectivement fait apparaître cette situation comme très très actuelle parce qu'on est dans un contexte de durcissement et même comme le dit assez bien Olivier, on fait presque aujourd'hui un débit de précarité. Non. Et ce que disait Olivier aussi, on ne peut pas penser pauvreté sans penser richesse. Et c'était dit aussi ce matin. Donc je pense voilà, je ne sais pas si quelqu'un d'autre aurait ajouté un dernier mot. Mais... Moi, je voulais juste dire que j'avais beaucoup apprécié ce film parce qu'il dit tout justement sur les processus de construction peut-être de la précarité, avec des points de vue, des petits points de vue, sur la place de l'espace, de la visibilité. Ah, ben non, on ne l'avait pas vu, il est passé inaperçu, on ne les voit pas. Quoi. Sur le dit de l'autre, hein, sur la façon dont on a des petits jeunes qui disent « nous les habitants », par rapport à vous, les habitants du foyer, mais est-ce qu'ils connaissent les habitants d'à côté? Non. Enfin, voilà, dans la fabrication des identités qui se fabriquent toujours par rapport à l'autre, voilà, pour le meilleur, parfois, mais aussi pour le pire. Voilà, en tout cas, merci à tous. Merci. Bravo.